Chapitre 20. À deux personnes seulement, à son vieil ami Sireuil et à la comtesse, Nadia fit part aussitôt de ses projets d'union nouvelle. Sireuil accourut le jour même chez la future madame de Chérency et la félicita chaudement. « À la bonne heure, » s'écria-t-il, « aucune nouvelle ne pouvait me causer plus de joie. Le sort vous devait une compensation. Il vous la porte complète, ce qui n'est guère dans ses habitudes. » Vous voilà rentré dans votre monde, qui avait trouvé le nom de Fresnel un peu court, même avant que ce nom devint malpropre. Chérency a du talent, de l'esprit, de la fortune. Enfin, pour couronner le tout, il vous aime. D'un amour ancien, je le soupçonne. D'un amour fidèle, j'en réponds. Ah, mon pauvre Sireuil, répétez-le-moi. J'ai si besoin d'en être sûr. Entre nous, cher ami, si vous n'en êtes pas sûr, ce n'est pas faute d'avoir mis le candidat à l'épreuve, une double épreuve même, celle de l'eau et celle du feu. Que voulez-vous dire? Mon Dieu, nous causons comme de vieux amis, n'est-ce pas? L'eau, ce fut Roxervière. Je n'insiste pas, je ne sais rien. Mais j'ai tout lieu de supposer que ce brave Chérency a de recevoir, une fois dans sa vie, un joli seau d'eau froide. Taisez-vous, dit Nadia. Quel souvenir! Laissons l'autre côté si le sujet n'est pas de votre goût. Mais quant au feu, par exemple, s'il faut vous l'avouer, j'ai bien cru à Cotteret que votre cousine et votre ami couraient tout droit à un bel incendie. Vraiment. Mais, chère amie, vous êtes étonnante. Moi, je vous le déclare. À la place de Chérency, j'aurais complètement perdu la tête. On dirait, ma parole, que vous n'avez jamais regardé la comtesse. Oh, si. Répondit lentement Nadia, je l'ai regardée plus que vous ne pensez, et j'ai rarement vu de femme plus belle. Eh bien, croyez-vous par hasard que votre Paul est aveugle? Trouvez-vous, le jugement pourrait surprendre de votre part, qu'il manque de séduction? Joignez à l'attrait mutuel des personnes le romanesque de la rencontre. D'un côté, la tristesse, l'isolement, le seau d'eau froide encore ruisselant sur les épaules, de l'autre, la pitié, l'estime, l'admiration. Car Chérency, dans l'espèce, a été ce qu'on appelle un homme, vous savez. C'était déjà beaucoup, mais la suite, même pas un petit coup, ça. Cette femme adorable, qui franchit les torrents et les précipices, qui veille le malade, nuit et jour, dans un désert, qui le soigne, qui le sauve à elle toute seule. Tandis qu'avec vos manies de fierté, que je devine et que je comprends, vous attendez superbement qu'on vienne détacher votre voile de veuve. Si ce n'est pas une épreuve, que vous faut-il donc? C'est vrai, répondit Nadia, rêveuse. Elle eut bien d'autres motifs pour rêver en lisant la lettre qu'elle reçut de l'après le lendemain. Ce n'était pas qu'elle pût se méprendre sur la sincérité de la satisfaction manifestée par sa cousine. Seulement, la réponse de Claire se terminait par ces mots. J'ai bien peur qu'il me soit impossible d'assister à ton mariage. L'hiver s'annonce comme très rigoureux. C'est à peine si notre climat bordelais est assez doux pour Marthe, dont la santé continue à réclamer de grands soins. D'ailleurs, tu dis toi-même que tu désires autour de ton union moins de joie que de prière. Les miennes ne te manqueront pas, et vaudront mieux pour toi que la vue d'un visage triste. Le mien pourrait-il ne pas l'être en cette occasion, qui me rappelle ce que j'ai souffert? Oh, ma bien-aimée, sois heureuse, soyez heureux. Après le bonheur de mon enfant, c'est le vôtre que je désire le plus au monde. Encore une fois, la dernière fois de sa vie, Nadia fit voir son caractère de femme emportée, impérative et jalouse. Elle prit sa plume et traça d'un trait, sans réfléchir, les lignes suivantes. Claire, si tu aimes cet homme, dis-le. Tu sais quel secret fardeau je porte à l'hôtel. Ce poids est assez lourd déjà, mais s'il faut lutter contre l'avenir, contre les autres, et non pas seulement contre le passé, contre moi, j'abandonne la partie. Un mot dit par Sireuil, ton refus si peu vraisemblable, me font entrevoir des abîmes. Je t'adjure de me répondre, l'aimes-tu? T'aimes-t-il? Est-ce que, grand Dieu, sans faire mon bonheur à moi, je suis sur le point de faire le malheur de deux êtres pour lesquels je donnerais ma vie? Tu es une folle, écrivit la comtesse. Ma réponse, la voilà. Pour te dire le vrai, je suis ravie de te voir de nouveau jalouse. Je suis tranquille maintenant. La Nadia du bon vieux temps n'est pas morte. Puisque tu le veux absolument, j'irai te servir de mère, ou de cœur plutôt, chérie, de la plus tendre, de la plus fidèle, de la plus dévouée des sœurs. » Au bon vieux temps, Nadia n'eût pas été si facilement rassurée qu'elle le fut par ces lignes qui semblaient sourire de son émoi. Heureusement, elle ne pouvait voir le visage de celle qui écrivait d'un style si plaisant, ni entendre ses plaintes étouffées. D'ailleurs, le malheur actuel, présent, suffisait. L'imagination n'avait pas besoin d'en évoquer d'autres. Quel raffinement d'amertume! À la seule idée qu'elle pouvait perdre Paul, 100 fois, jadis, son cœur s'était arrêté. Et la sécurité venue, tout danger disparu, ce cœur glacé refusait de battre. Le jour du mariage était fixé. 2 semaines avant la date indiquée, l'hôtel Vouillemont vit débarquer la comtesse, accompagnée d'une grande personne de 11 ans, dont la santé, quoi qu'on en eût dit, paraissait des plus solides. 1 heure après, la mère et la fille arrivaient chez Nadia, où elles trouvèrent Paul. Ferme et résolu à tout, comme le soldat qui va risquer sa vie, celui-ci néanmoins chancela sous le premier regard de Claire, qui jouait son rôle en femme sublime. Quant à Marthe, elle faillit étouffer son amie, et, tout à ses souvenirs, se mit à parler de Pentecôte, de Cotteret, de façon à faire croire qu'on n'était pas réunis pour autre chose. On eût dit que les 2 cousines s'étaient donné le mot. Pour ne pas entendre cette conversation pleine d'à-propos, elle parlait très haut, Dieu sait avec quel intérêt, des toilettes qu'elle mettrait pour le grand jour. La cérémonie devait avoir lieu dans la chapelle d'un couvent de la rue de Sèvres. « Quelle idée ?» demanda Claire. Nadia, baissant la voix, répondit « Depuis 6 mois, j'ai passé là bien des heures. Ces murs ont connu tous les secrets de mon âme. À cet hôtel, j'avais promis qu'ils serviraient à mon sacrifice. » Qu'il me verrait marié à Paul ou fiancé à Dieu. Je tiens ma promesse. » Au bout 1 heure, Madame de Chalonne sortit pour des courses pressantes. Chérency n'était plus là depuis quelque temps. « Je te laisse, Marthe, » dit la comtesse à sa cousine. « Je viendrai la reprendre à 6 heures. » « Tu viendras, tout au contraire, dîner avec moi, Sireuil et ton futur cousin. Je les ai invités en ton honneur. D'ici là, nous allons causer, cette grande personne et moi. » Marthe sourit, très flattée, et sa mère partie, elle s'assit près de sa tante avec le sérieux d'une visiteuse de 30 ans. « Je suppose, » dit Nadia, « que tu as été grandement surprise en apprenant pourquoi l'on t'amenait ici. » « Mais, tante Nadia, un peu, » répondit l'enfant qui avait le défaut maternel de ne pouvoir mentir. « N'es-tu pas contente d'avoir un oncle qui t'aime déjà bien? Car je vous ai vu causer tout à l'heure comme de vieux amis. » « Oh, ma tante, certainement je serai contente. »« Tu ne réponds pas de bon cœur, Marthe, toi qui es toujours si franche. »« En veux-tu pour un motif quelconque à monsieur de Chérency ?» Les yeux de la petite devinrent brillants, ses joues toutes roses. « Moi, lui en vouloir ?» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Depuis la mort de papa, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. » En voyant cette fougue et cet enthousiasme, Nadia crut découvrir chez sa nièce une de ses belles passions de la 10e année, comme elle en avait connu pour son compte autrefois. « Allons, viens sur mes genoux, » dit-elle, « et fais-moi tes confidences. » « Depuis quand ton amitié pour monsieur de Chérency est-elle si grande ?»« Depuis que je l'ai vu bien malade, et surtout depuis... »« Allons, parle. J'étais petite fille comme toi, tu peux tout me dire. » « Depuis que je l'ai vu pleurer un soir à Pentecôte. » « Vraiment, et pourquoi pleurait-il ?»« Parce que l'oncle Fresnel était mort. »« Ah ?» fit Nadia très attentive. « Conte-moi cela. » Un soir, après dîner, j'étais si lasse d'avoir couru dans la montagne que je me suis endormie dans un fauteuil. Tout d'un coup, je me suis réveillée, et j'ai entendu maman qui disait « Nadia est veuve. » Et alors ? Alors je n'ai pas bougé, tant j'étais surprise. Monsieur de Chérency non plus n'a pas bougé. Il semblait encore plus surpris que moi. Que disait-il? Il disait « C'est bien, je vais partir. » Mais il baissait la tête et avait 2 grosses larmes sur les joues. Nadia ferma les yeux, tressaillit et garda le silence quelques secondes. Puis, d'une voix qui n'était plus la même, elle demanda « Et ta mère ?» Maman ne pleurait pas tout à fait, mais elle en avait bien envie. Elle ne disait rien et se retenait de toutes ses forces. Tu ne leur as pas demandé ce qui leur faisait tant de peine à tous deux ? Oh non, tante Nadia. C'était bien facile à comprendre. Ils avaient du chagrin de ce que l'oncle Fresnel était mort. Nadia reprit haleine un instant. Le coup était rude. Au lieu d'un babil d'une heure avec une fillette amusante, elle trouvait une révélation qui allait changer toute sa vie. Cependant, elle eut un éclair de scrupule et se demanda s'il était permis de continuer ce dangereux interrogatoire. Qu'avait découvert l'enfant? Quel secret plus grave avait-elle surpris? N'était-ce pas un devoir de laisser dormir à jamais dans cette âme pure certains souvenirs faits peut-être pour troubler l'amour filial? Mais non, il fallait tout savoir. Et d'ailleurs, Nadia connaissait la mère de Marthe. Les actions de celle-là, ses paroles, ses pensées même, tout pouvait être mis au grand jour. « Ont-ils pleuré longtemps ?» demanda Madame Fresnel, en serrant sa nièce dans ses bras avec une ardeur étrange. « Raconte-moi tout. » « Je vous ai tout raconté, tante Nadia. Voyant que j'avais les yeux ouverts, maman m'a touché l'épaule pour m'éveiller tout à fait et m'a demandé de faire ma prière et de me mettre au lit. Et le lendemain ?»« Le lendemain, nous avons encore fait une promenade tous trois ensemble. Et quand nous sommes rentrés, monsieur de Chérency nous a dit adieu. Ce soir-là, j'ai dîné toute seule avec maman. Quant à lui, le jour suivant, de bonne heure, il est parti. Sans vous avoir revu, ni ta mère, ni toi, il était trop matin. Mais je vais vous dire une chose que maman ignore. Je ne dormais pas car j'étais fort triste. Monsieur de Chérency est tellement bon. Il semblait avoir tant de peine. Si bien que, en entendant les grelots des chevaux, je me suis levé tout doucement et j'entrouvers les volets à peine. Ma bonne ne s'est pas éveillée. Alors j'ai pu le voir encore une fois. Il est monté en voiture puis il est redescendu pour embrasser Bramatuero. Qui est-ce, Bramatuero ? Un gros chien qui se promenait avec nous la veille et qui m'aimait beaucoup, qui m'aime beaucoup plutôt car il était là près. Maman l'a acheté le jour même du départ de... Tu lui avais demandé de l'acheter ? Non, c'est elle qui en a eu l'idée. Ah, ma pauvre Claire, pensa Nadia. Tu avais fait comme ta fille. Tu t'es élevée tout doucement et tu avais vu le baiser donné au chien. La nièce était toujours dans les bras de sa tante, mais elle ne parlait plus. L'histoire était finie. Dans le petit salon, faiblement éclairé par le jour mourant et par le feu de l'âtre, un silence profond régnait. Nul n'aurait pu lire ce qui se passait dans l'âme de Nadia, car elle avait le visage caché dans les boucles brunes de la petite. Mais l'enfant a raconté depuis qu'elle entendait le cœur de sa tante battre avec une force étrange. Tout à coup, Marthe se sentit presque étouffée dans une étreinte désespérée. Sur son front, elle reçut le baiser de deux lèvres brûlantes qui murmuraient « Cher enfant, cher ange de vérité, de pureté, d'innocence, que ne peux-tu rester ce que tu es aujourd'hui, ce que j'étais autrefois ?» Alors, avec une sorte d'épouvante qui la rendait pétrifiée, Marthe fut témoin d'une explosion de larmes et de sanglots qu'elle ne devait jamais oublier durant sa vie. Sur la poitrine convulsivement agitée de la pauvre femme, à qui tout manquait désormais, excepté Dieu, le corps de l'enfant était secoué, comme une frêle barque sur les flots soulevés par la tempête. Ce que Nadia pleurait, en ce moment, c'était quelque chose de plus qu'un amour, c'était l'amour, autrement dit la vie, car l'amour est la vie de la femme. Depuis de longs mois, ses larmes coulaient, silencieuses, sur son propre cœur mort, sur ce cœur que le mariage allait recevoir demain, comme le cercueil jonché de roses reçoit un cadavre chéri, embaumé pieusement. Elle avait cru que le reste de sa vie se passerait à veiller tendrement sur cette dépouille de sa jeunesse. Mais soudain, les paroles d'une enfant lui faisaient voir qu'il fallait renoncer même à ce pâle bonheur, se séparer du dernier souvenir de sa courte joie passée. Et sa douleur, une dernière fois, s'exaspérait, comme il arrive à cette minute suprême où l'être pleuré semble mourir de nouveau, la minute où des mains cruelles font disparaître pour jamais cette moitié de lui qui restait encore. L'orage ne fut pas long. Madame de Chalonne pouvait rentrer à chaque minute. Une dernière fois, Nadia se vainquit elle-même. Pour elle, désormais, les combats étaient finis, l'heure de la suprême retraite sonnait. Bientôt, elle put parler. « Marthe, quand ta mère va rentrer, ne lui dis pas ce que tu viens de voir. Oh, tante Nadia, je vous obéirai en tout. Mais pour l'amour du ciel, ne pleurez plus. Sois tranquille, ma chérie. Nul être humain ne me verra plus pleurer.